comme tout le monde, je peux être abattu par la réputation de ma chérie. Issu de la classe ouvrière, de l'émigration algérienne, je suis qu'une puissance mal gérée. J'ai tapissé ma chair, premier dans les chartes, et dans les chartes, ça attire les chiennes. Première semaine, je choque la France à 15 000. Vendre raconte ma vie, des putains, des bouteilles en pleine mi-temps. Et depuis le temps, crois-moi que j'ai cramé plein de mythos. J'ai fait mon choix quand je me laissais faire, quand je me laisse michetonner. Ils parlent ma vie comme s'ils pouvaient la deviner. Ils ont parlé d'YL comme si ce bâtard était fini. C'est pas fini, je suis ref en devenir. Éminence criminelle, regarde la demi-lune à demi. Moi je te fais des devinettes, un déballe. Coupe, pèse, assis sur la chaise. Hazi dans la thèse, Azik sur le béton. Magique et ma musique, grâce à elle j'ai vite l'usine. Grâce à elle j'ai vite les usines. Grâce à elle y'a plus les huissiers. Un sens des priorités, j'ai pas de Rolex à ma première signature. Je rappelle une ex, j'ai pas du Rex et je la fais sous ses natures. J'ai pas de remède et je suis le premier à terre. Je veux plus ton aide quand je passe le premier rapport. Quand je croise mon premier rappeur, hardcore au premier abord. J'ai fait d'Herbel une marque nationale que tu ne reverras pas. Hein? J'ai fait d'Herbel une marque nationale que tu ne reverras pas. Ils viennent me sucer fort, plus vicieux que Lucifer. La prochaine fois que je serai au taureau, là la dîme, je les laisse faire. Espèce de grosse folle, écoute-moi, t'es toute pâle. Je vais te mettre des coups de crosse de filet, ne prends pas pour un trou de balle. Le mauvais œil nous désigne, comme perdant tu nous désignes. Fils d'up, c'est moi qui décide, je t'envoie un clip dans le désert. Le buzz m'a fait du mal, car moins d'oseille que de malheur. Je me relève, j'envoie l'arlard, un l'arlard de Copenhague. J'ai vu les fils de brailler, croire qu'ils allaient me grailler. Faut escalader, je me taille. Des feuilles du sky, je suis fire. T'inquiète, je gère le bail. Tu croyais que j'allais bailler. Vaillant numéro 1 partout, même dans la brèche en Dayem. Et là, buzz, bif, baise, sourire. Je laisse courir, cœur pourri. Sous serment d'Hippocrate, je me sers de ces hypocrites. Je contrôle le game comme le hacker du quartier tire au pont.